8 jours après avoir doublé le cap Pilares, le Duncan donnait à pleine vapeur dans la baie de Talcahuano. Le temps était admirable. John Mangles, suivant les ordres d'Edward Glenarvan, avait serré de près l'archipel des Chiloé et les innombrables débris de tout ce continent américain. Quelque épave, un espar brisé, pouvait mettre le Duncan sur les traces du naufrage. Mais on ne vit rien, et le yacht, continuant sa route, mouilla dans le port de Talcahuano, 42 jours après avoir quitté les eaux brumeuses de la Clyde. Aussitôt, Glenarvan fit mettre son canot à la mer, et, suivi de Paganel, il débarqua au pied de l'estacade. « Allons à la douane, » dit Glenarvan. Là, on lui apprit, au moins de quelques mots d'anglais, accompagnés de gestes expressifs, que le consul britannique résidait à Concepcion. Concepcion, l'antique cité des hommes, était devenue un village de femmes et d'enfants. Glenarvan se rendit chez J.R. Bentock, consul Sa Majesté britannique, pour savoir si le trois-mâts Britannia avait fait côte vers le 37e parallèle. Mais aucun rapport sur un événement de cette nature ne revint à Talcahuano. Les enquêtes les plus minutieuses faites chez les populations riveraines ne produisirent pas de résultats. Devant l'insuccès de ses démarches, Glenarvan s'adressa à Paganel. « Monsieur, l'interprétation que nous avons faite de ce document est-elle erronée? Est-ce que le nom de Patagonie ne saute pas aux yeux des gens les moins perspicaces? Le mot indien ne vient-il pas encore nous donner raison? Dès lors, n'est-il pas évident que les naufragés s'attendaient à devenir prisonniers des Indiens? Mon avis, dit Paganel, est de chercher le 37e parallèle à l'endroit où ils rencontrent la côte américaine. Ce disant, Paganel étala sur la table une carte du Chili et des provinces argentines. Regardez, dit-il, et suivez-moi dans cette promenade à travers le continent américain. Enjambons l'étroite bande chilienne, franchissons la cordillère des Andes, descendons au milieu des Pampas. Les fleuves, les rivières et les cours d'eau manquent-ils à ces régions? Notre devoir est de remonter jusqu'au bout du 37e parallèle, et s'il le faut, pour retrouver le naufragé, de faire avec lui le tour du monde.